quelques tranches de vie. Et toi tes tout petits soucis. Et puis alors, après 5 heures on sort fort. On parlera de celui-ci qui n'a pas vraiment reçu de l'influence de son enfance. Et de sa catin d'adolescence. Et de sa catin d'adolescence. Réveille-moi si je m'endors. Je veux te voir un peu plus fort. Réveille-moi si je suis mort, amour. Donne-moi le temps encore. Réveille-moi si je m'endors. Je veux te voir un peu plus fort. Réveille-moi si je suis mort, amour. Donne-moi le temps encore. Je te parle de corps, pendant que tu me parles de cœur. On se comprend pas, ah, pardon quoi. Tu penses à quoi? Et moi voyons, tu sais déjà. Négociation, sommeillère, réconciliation. Je te retrouve enfin rayonnante, flamboyante et envoltante. Sens alors le roi du monde. Pendant au moins toute une seconde. Pendant au moins toute une seconde. Réveille-moi si je m'endors. Je veux te voir un peu plus fort. Réveille-moi si je suis mort, amour. Donne-moi le temps encore. Réveille-moi si je m'endors. Je veux te voir un peu plus fort. Réveille-moi si je suis mort, amour. Donne-moi le temps encore. S'avouer qu'on s'est perdu, tu m'as perdu. Car t'étais belle à moitié nue. Réveille-moi si je suis mort, amour. Donne-moi le temps encore.